Une heure avec Jean-Marie Schleret et le Pergui. Voilà, quelques jours de Noël. Nous sommes, quand vous entendez cette émission, nous sommes le 18 décembre, mais cette émission est enregistrée le 14 décembre. Alors, vous étonnez pas si un événement arrive entre le 14 et le 18, que je n'en parle pas avec mon invité, mais c'est dans les conditions du direct, c'est simplement des questions d'agenda à quelques jours de Noël qui font que lui, comme moi, nous avons choisi d'être avec vous, avec tous les auditeurs qui veulent bien entendre cette si belle émission. Une heure avec, ils sont mes invités, nos invités, le troisième mardi de chaque mois de 19h à 20h sur les ondes de Fadjet. Mon invité d'aujourd'hui, comme tous les invités qui viennent ici, sont des gens engagés, un peu ou beaucoup dans la vie politique, sociale de notre région, à droite, au centre, à gauche ou tout autrement. Ils ont fait la une des journaux ou bien ils sont complètement inconnus du grand public, qu'importe, ils ont tous des convictions humaines, religieuses, politiques. Pas les mêmes, mais tous ont des convictions toutes simples qu'ils acceptent de partager avec vous tous, avec nous tous. Dans le studio, il y a aussi Émeric et d'autres. On vient de très loin, puisqu'on vient d'Iran dans le studio, puisqu'on vient d'Arménie dans le studio. Mais c'est Émeric qui sera à l'écoute très attentive des propos de mon invité, Jean-Marie Schleret, de votre invité, pour réagir en fin d'émission. Et puis, si vous-même, vous souhaitez participer à cette émission, n'hésitez pas à faire signe à la radio. On est tellement contents de vous accueillir. Enfin, merci à Yves de réaliser cette émission pour nous. Jean-Marie Schleret, comment aimez-vous être présenté ? Ce que je suis éducateur, je l'ai toujours été, je le reste, malgré tous les mandats que j'ai pu exercer. Mandat, ça veut dire politique ? Des mandats politiques, des mandats sociaux, des charges au niveau des HLM, au niveau des établissements scolaires, de la sécurité des collèges, des lycées, des universités, des écoles. Mais au-delà de tout ça, mes racines, c'est vraiment l'éducateur. Je crois qui est resté chez moi alors que je suis travailleur social, mais j'ai fait plein d'autres choses. Mais je suis avant tout éducateur. Et ça a marqué tous vos engagements ? Oui. Oui, depuis tout petit. Là, on va revenir justement à tout petit, avant de découvrir comment Jean-Marie s'est engagé. Comment est-ce qu'il a vécu les dix premières années de votre vie, les événements et les personnes qui vous ont marqué? D'abord, je suis né dans un pays en guerre, puisque à Metz, occupation allemande, une rue... Vous êtes né en 1941, si. 41, débaptisé, c'était pas la rue Gambetta, c'était Schlageterstrasse. Mes parents me disant « interdite par les Français ». Sinon la police vient, et puis quelques années après, interdit de parler allemand, sinon la police vient. Au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'il fait le gamin ? Quand il a failli s'appeler Adolphe en plus, parce que mon père voulait, et il a réussi à m'appeler Jean-Marie, que les Allemands n'ont pas accepté, puisque chez eux c'était ou Jean ou Marie. Marie n'étant pas une fille, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, sur mes papiers d'identité, je reste Jean, parce que au détour, l'officier d'état civil a menacé mon père, si vous persistez, appelez-le Adolphe. Ça veut dire que déjà marqué par la personnalité de votre père ? Oui, je crois qu'il a été quand même, il a tenu tête. Il a été emprisonné en plus pour au terrain d'aviation, avoir aidé quand même un certain nombre de prisonniers, etc. Il a été lui-même prisonnier, ça ne s'invente pas, au grand séminaire de Metz, qui avait des sous-sols aménagés. Bon, ça a été temporaire. Des souvenirs de la guerre pour vous ? Parce que 3 ans, 4 ans, quand vous, la fin de la guerre, vous aviez 4 ans. C'est les descentes régulières à la cave, à la dernière année. Ça, 44. Vous vous souvenez ? Ah oui, très bien. Parce qu'avec tous les voisins, on descendait à toute vitesse les 3 ou 4 étages et on se retrouvait dans les caves aménagées avec des lits, des couchages, parfois pour plusieurs jours, et une véritable, un partage là, dans l'angoisse certes, mais de la fraternité. Vous vous souvenez vraiment de cette fraternité? Ah oui, ces moments-là, je m'en souviens, et quand les bruits assourdissants, j'avais 3 ans et demi, les bruits assourdissants, notamment le bombardement de la poste, aujourd'hui tout le monde a oublié, la grande poste de Metz, tout un pan éventré du fond de la cave, ça s'entendait très bien. Et alors, 3 ans et demi, 4 ans, la libération, comment vous avez vécu cette période-là? Alors, à partir de là, c'était très compliqué, parce que bon, il y avait l'exaltation générale, sauf que ma mère était allemande. Donc, du coup, d'autres attitudes que j'ai retrouvées, y compris quand j'étais en pension à l'âge de 11 ans, chez les Frères des écoles chrétiennes. Ma mère n'écrivait pas le français, elle le parlait, elle écrivait en allemand. Et donc, quand les lettres qui étaient ouvertes à l'époque étaient en allemand, ou quand un jour, tout fier de la boussole que m'avait offert mon grand-père, je le montre à mes copains, ils regardent derrière, c'était marqué « tombé du mauvais côté ». Et donc, j'étais le fils de Boche. Donc, vous voyez aussi… Blessé par ça, des blessures d'enfant. Ça marque. Et puis, on partait régulièrement voir mes grands-parents, ma grand-mère à Sarrebruck. Et là, régulièrement, je m'entendais dire par ma propre mère, on ne parle plus allemand. Alors que pendant 3 ans, il n'y avait que ça. Et ces premières années d'école? Premières années d'école, c'est ma mère qui m'a profondément marqué parce que d'abord, elle avait une vie difficile. Elle était femme de chambre à l'hôtel du Globe, juste en face de la gare. Nous habitions dans le quartier de la gare. Et elle m'emmenait très régulièrement à l'hospice Saint-Nicolas, d'une part, et chez la voisine du 5e étage à qui il fallait apporter à manger. Et donc, gamin de 5 ans à l'hospice Saint-Nicolas, ça marque aussi. Et quelque part, je me suis dit, il y a des gens quand même qui ont beaucoup moins de chance que nous. Et puis, un regard fraternel d'un gamin de 5 ans. Bon, au début, je sentais qu'on m'y entraînait un petit peu malgré moi, mais j'y ai pris goût. Et quelque part, je pense que ça a vraiment marqué tout le parcours qui a suivi. Avec des frères et sœurs? Oui, deux générations, grand frère, grande sœur, 10 ans d'écart, et petit frère, 4 ans d'écart. Marqué par? Il est né à la fin de la guerre, donc beaucoup moins. On reste très en contact. Lui est. Et vous marquez par vos grands frères petits? Oui, les. Avec les 10 ans d'écart, presque des petits papas. Oui, mais parce que ce sont eux qui, quand même, notamment pendant la période de guerre, les 4 ans, là, quand on passait de l'appartement à la cave, qu'il fallait chercher du ravitaillement, c'est eux aussi, plus que les parents qui étaient à nos côtés, enfin à mes côtés, puisque mon petit frère n'était pas encore né. Dans Vous avez démarré l'émission en disant ce qui vous manque, c'est votre métier d'éducateur, oui. Votre être d'éducateur. Quels sont les premiers éducateurs qui vous ont marqué? Ça a été des figures dans les 10 premières années de votre vie, il y en a eu? Oui, ce sont les frères des écoles chrétiennes à l'école Saint-Augustin de Metz, hein, qui étaient à mes côtés, quand même encourageaient un petit peu ce qu'on faisait. Saint-Nicolas, l'hospice dont je parlais, était juste en face. Donc, le dimanche, on se retrouvait, aujourd'hui on pense qu'il y a, c'est fini tout ça, mais on se retrouvait pour le catéchisme, pour 36 choses, mais ouverture aussi sur le quartier. Ça m'a marqué de la part de ses frères qui étaient encore en soutane, avec à tel point que, bon, je peux le dire puisque ce n'est pas un secret, un jour, j'ai décidé d'être moi-même frère des écoles chrétiennes, que je suis devenu, que je ne suis pas resté. Et c'est une fraternité? Oui, vraiment, encore aujourd'hui. Quand on parle des frères des écoles chrétiennes, vous avez respiré la fraternité avec eux? Oui. Dans les toutes premières années, notamment celles des années qui vont de 10 ans à 18 ans, jusqu'à mon noviciat et au-delà, les premiers vœux. Le noviciat, c'est quand on pense à devenir religieux et qu'on commence à réfléchir avec d'autres, c'est ça? Oui, tout à fait. Avant de faire des premiers vœux, puis des vœux perpétuels. Ensuite, ça s'est un peu gâté parce que j'avais précisément à Guénange un frère exceptionnel qui dirigeait l'établissement pour jeunes délinquants de Guénange où j'ai fait mes premières armes. Hein. C'était quand même assez terrible avec une section de 60 jeunes, tous plus, plus durs les uns que les autres. Alors, il y a les frères des écoles chrétiennes qui vous ont marqué. On va revenir au début de la vie professionnelle, y compris comme frère, et puis après ça, comme éducateur laïque. Mais revenons, loupons pas dans ces 15 premières années de votre vie, des figures autres encore qui vous ont marqué, qui ont façonné le bonhomme que vous êtes aujourd'hui, engagé dans la fraternité. C'est véritablement ce responsable de Guélenge, le frère René, qui constamment nous disait « Vous avez tout à apprendre des plus pauvres ». Ce discours, il m'a marqué. Alors que les frères d'école chrétienne, traditionnellement, c'était plutôt les collèges un peu classiques, etc. Et je me destinais à de l'enseignement. Et jusqu'au jour où ma première nomination a été à Guélenge, il m'a tout appris en me disant « Fais une croix sur tes études de lettres, tes études de psychologie, c'est bien, etc. » Mais essaie de comprendre un peu ce qui passe à travers, pas seulement la tête, mais le cœur de ces gaillards-là quand ils se retrouvent chez le juge des enfants, etc. Tu comprendras la vie. C'est là que j'ai entamé mes études d'éducateur spécialisé. Ce désir d'être éducateur et ce désir d'être frère, il vient d'où ? Je pense qu'il y a eu... il y a eu plusieurs temps, y compris des films qui m'ont marqué, qui marquaient un peu l'appel à autre chose, à s'occuper des autres. Ça remonte au plus profond. C'est quand même la maman, on a beau dire. Et elle est restée jusqu'à la fin, un petit peu porteuse de tout ce qu'ensuite j'ai essayé de traduire à ma manière. Et quand vous, enfant, on vous traitait, comme vous dites, de boche. Fils de Bosch, ça vous blessait ? Ah pour oui. Maman ? Pour papa ? Pour les grands-parents ? Mon père le prenait un peu à la dure. Ma mère, ça l'affectait. Je l'ai vu plus d'une fois pleurer. D'entendre cela. Oui. Et les frères vous soutenaient ? Oui. Oui, bon, il y avait du respect. C'est plutôt des camarades que j'ai retrouvés d'ailleurs depuis. On est parfois d'une violence les uns par rapport aux autres. Enfants et adolescents. Exactement. Et est-ce qu'il y a eu des, parmi vos camarades, des jeunes qui ont pris votre défense à ce moment-là ? Ou non, c'était trop difficile. En général, on se retrouvait puisque nous étions en collège, en internat. C'était loin d'ici parce que mon premier collège, en plus, a brûlé. C'était au Luxembourg. Il a fallu en plein hiver déménager en Belgique dans ce qui restait d'un ancien collège qui avait été transformé en verrerie. Je me souviens des bacs à eau glacés en plein hiver. Et là, c'était beaucoup plus la fraternité régionale qui jouait, c'est-à-dire entre Messins, Nancéens, etc. Moi, je venais de Metz, mais on passait par Nancy en train pour remonter vers Hanovre. Et là, on avait les Nancéens, les Messins, et on faisait un peu équipe et bande contre d'autres qui venaient d'ailleurs, de Reims, de partout, qui ne nous comprenaient pas. Et notamment les Messins, parce que nous venions de la Moselle qui avait été occupée et marquée. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas vécu cette période-là, et là, nos auditeurs, la quasi-totalité n'a pas vécu cette période-là, est-ce que vous pourriez nous aider à percevoir ce qui se passe dans les années d'après-guerre ? Qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est dur ? On a vu après à la fois beaucoup d'évolutions rapides, des gens qui arrivaient à se loger, qui avaient l'eau courante chez eux, qui avaient les conforts que nos parents n'avaient pas nécessairement connus. Ça, c'était merveilleux. Et ça a duré quand même assez longtemps. On a senti dans les villes, la ville était humaine. Je jouais au petit camion sur le trottoir, enfin, qui était une des rues les plus passantes quand même de Metz en face de la gare. Ça, dans les années après-guerre, c'est resté. Et puis, le changement s'est fait dans les années 60, où là, on a commencé à voir des grands ensembles, de la mise à l'écart de quelques populations. On connaît ça à Nancy, avec Saint-Sébastien qui est monté en 68 au Haut du Lièvre et ailleurs. On a vu ces changements, mais c'est après qu'on s'est... Mais les années d'après-guerre ont été dures. Est-ce que... Oui, bah oui, moi je me souviens. On avait faim ? Mais je me souviens que mon père coupait à la scie le pain, qui était dur. Pour pouvoir le partager et le tremper ensuite dans le café. Il n'y avait pas de beurre, c'était du Saint-Doux. Toutes ces conditions-là, on avait du mal à joindre les deux bouts, comme on dit. L'appartement avait beau être grand, on sous-louait à des travailleurs, y compris travailleurs allemands, qui venaient en France à ce moment-là, avec un souvenir dramatique d'ailleurs, de l'autre côté, une voisine assassinée par le type qui était chargé de scier le bois. Donc, et ça, je l'ai découvert, moi, gamin, à l'âge après-guerre, à l'âge de 5-6 ans. Donc, des choses difficiles qu'on a vécues, qui étaient les suites de la guerre, mais très rapidement, il y avait cette, comment dirais-je, cette fraternité qu'on sentait. Hein, on se retrouvait, on partageait, on était pauvres, ou en tout cas très moyennement aisés, mais on n'enviait pas ceux qui en avaient plus, et puis on regardait surtout ceux qui avaient moins pour leur venir en aide. Comment est-ce qu'est venue cette, progressivement ou pas, cette fraternité entre Allemands et Français ? On voyait quelques figures sur Metz quand même. Moi, j'allais régulièrement voir Gabriel Ocart, qui était un des premiers maires de Metz après la guerre, et puis après Mondon. Mais la grande figure restait quand même Robert Schuman. On en parlait peu à l'époque, mais certains le connaissaient. Premier ministre, arrivant à Metz, c'était pas le chauffeur, c'était le bus jusqu'à Sichazel pour rentrer chez lui. Lui, premier ministre, prenait le bus pour rentrer chez lui. À Sichazel. Il n'avait pas de chauffeur. Il n'avait pas et de il chauffeur. Était premier ministre de la Absolument. France. Absolument. Robert Schuman. Ouais. Ministre des Affaires étrangères et Tout premier ministre. Tout et là, vous l'avez connu. Parce que gamin, vous le voyez, ou c'était déjà parce que vous étiez un grand ? Non, parce que ça se disait, avec des amis de la bonne de ceci ou de la personne qui servait chez eux, nous raconter ça, et ça marquait quand même beaucoup, ça. Et après, on l'a découvert à travers les récits. Et ça, toute cette histoire de gamin, cette histoire de avec, on voit bien avec les frères des écoles chrétiennes, avec la vie de vos parents, avec ces difficultés, ces tensions, avec cette violence, mais aussi cette fraternité qui se tisse. Est-ce que, là encore, il y aurait un événement dans les 20 premières années qu'on est en train de louper et qui vous a profondément marqué ? Oui, c'est au moment... donc à 18 ans, il y a eu cette prise d'habit, je suis devenu frère des écoles chrétiennes. Et malheureusement, dans les années qui ont suivi, ça a été assez difficile parce qu'une retraite en 1967, bon, j'avais un peu plus, j'avais 26 ans, à Mauléon, dans les Pyrénées, donc la retraite de 30 jours, la retraite qu'on connaît, la retraite ignatienne. Retraite, ça veut dire c'est quand on se retrouve entre chrétiens pour prier ensemble et réfléchir ensemble. Pendant 3 semaines, oui, c'est 30 jours. Ouais. Donc, sauf que là, ça s'est mal terminé parce que, d'abord, il y a eu un tremblement de terre, ça ne s'invente pas non plus. Au mois d'août, le 12 août 1967, à Mauléon-Soul, tremblement de terre et des églises du secteur clocher tombé. Alors, ça m'a peut-être marqué pour la suite, comme l'incendie de tout à l'heure, le tremblement de terre pour Mauléon. Aujourd'hui, j'ai en charge la sécurité des établissements scolaires. Donc, mais néanmoins, ce qui m'a le plus marqué, malheureusement, c'est le départ du prédicateur entre deux gendarmes, parce qu'aujourd'hui, on parle de pédophilie, mais il y en avait déjà à l'époque. Et ça vous a blessé ? Ah oui. Profondément. Ben, ça a tout cassé. Avec une voix qui vient aussi de cette époque-là, c'est le premier choix de musique que vous nous donnez à entendre. Nos auditeurs de Fazette l'entendent peu, mais qu'ils écoutent ? Aimé Duval. Tout au long des longues, longues plaines, peuple immense avance lentement, chant de joie et chant de peine, peuple immense va chantant. Ils n'ont pas leur père avec eux, mais ils savent bien leur chemin. Ils n'ont pas leur père avec eux, mais leur mère les tient par la main. Longues plaines, Une heure avec. 18 décembre, nous le sommes quand vous écoutez. Et nous, dans le studio, nous sommes le 14 décembre. Mon invité, c'est Jean-Marie Schléré, avec beaucoup de simplicité. Lui qui est né en 1941, pendant la guerre. Alors, à Metz, en territoire allemand. Et puis, avec un papa et une maman qui s'engagent. Mais maman est allemande et à la libération, c'est difficile. Et il se fait même traiter de fils de Boche. Et puis le voilà avec des figures qui le marquent, des éducateurs, en particulier ses frères qui le rendent attentif aux plus petits, aux plus pauvres, et qui vivent réellement la fraternité avec lui. Puis ce drame d'une retraite alors qu'il a 26 ou 27 ans et que le prédicateur, vous savez, celui qui prend la parole pour aider les autres, est emmené par des gendarmes. Et puis aujourd'hui, il nous a dit que cette histoire-là, elle était marquée par ces figures. Il y a la figure de Robert Schumann, on y reviendra sans doute. Mais Jean-Marie Schléré, est-ce que vous pourriez nous dire cette figure d'Aimé Duval, ce fou chantant, que beaucoup ne connaissent pas, parce que ça y est, c'est passé, mais que vous avez bien connu. D'abord, et puis j'ai eu l'occasion de le voir en direct à Lyon, dans des concerts qui rassemblaient énormément de monde. C'est un prêtre. Un prêtre. Un jésuite. Le fou chantant. Un jésuite comme le pape, hein, jésuite. Oui, et j'indique d'ailleurs que, ça aussi c'est un curieux clin d'œil, ma dernière demeure sera à côté de la sienne, puisque nous avons notre tombe à Préville et la tombe voisine, c'est celle d'Hubert Duval, donc ça ne s'invente pas ça. Cela dit, il a une force, non seulement dans les textes de ses chansons, celles qu'on vient d'entendre, je l'avais fait mettre en valeur au moment des obsèques d'une grande dame du social, Marguerite Baron. Elle est morte en l'an 2000 et on avait entendu ce chant et notamment le dernier couplet. Quand l'un des leurs est tombé, sur sa tombe il sème des pleurs, mais pour une larme tombée sur sa tombe, il pousse 1000 fleurs. C'est des choses qui sont bouleversantes, ça, et qui plongent dans la réalité. Donc pour moi, le père Duval, oui, ça reste une grande figure. Et vous dites on. Parce que, si j'ai bien compris, aujourd'hui, j'ai bien entendu la première partie de l'émission, aujourd'hui vous êtes marié et père de famille. Absolument, avec une Libanaise. Mairie. Avec une Libanaise. Absolument. De ce que vous pouvez nous raconter, sans indiscrétion, comment vous vous êtes choisi et comment vous vous êtes engagé dans le mariage ? Bon, tout d'abord, le Liban, il a fallu y aller. Donc, vous avez été la chercher là-bas ? Oui, exactement, d'une certaine manière. Mais là encore, les choses se sont faites, certains diraient fortuitement, moi je dis providentiellement. J'étais appelé au Liban après avoir fait 2 ans de service militaire. Je suis retourné pour former des éducateurs spécialisés, puisqu'entre-temps je l'étais devenu, j'avais travaillé, etc. À Guénange, à Reims, en foyer de jeunes travailleurs à différents endroits. Et je reviens au Liban pour former des travailleurs sociaux qui n'existaient pas, diplômés dans ce pays. Et dans les premières promotions, des personnes, je pense à la femme d'Amin Maalouf, par exemple, qui est académicien, donc André Abijid a été une de mes premières élèves. Et parmi ces élèves-là, éducatrices, il y avait une certaine Mary Turquié, libanaise, qui après des stages en France, avoir terminé sa formation, est devenue ma femme. Et nous nous sommes dit, parce qu'un jour je me fais appeler à l'ambassade de France et remonter les bretelles, comme on dit, écoutez, on ne vous paye pas pour que vous formiez des éducateurs qui repartent en France. Hein, c'est des Libanais, ils doivent rester au Liban, débrouillez-vous pour les faire rester. Alors qu'ils étaient tellement bien formés qu'en France, ils trouvaient tout de suite l'employeur, l'établissement, mieux payé, avec des plateaux techniques, alors que tout était à construire au Liban. Et nous sommes dit avec Mary, il n'y a qu'une solution, c'est de monter nous-mêmes un établissement pour enfants handicapés mentaux qu'on ouvrira à tout le monde, à des riches, à des pauvres. On avait des enfants du camp de Tal Zatar, camp palestinien à côté, ça nous a valu d'ailleurs... C'est-à-dire ouvrir là-bas au Liban. Au Liban, une nous maison. Avons ouvert ce qui nous l'avons appelé le prélude en arabe Al-Tawtia, et on a fonctionné jusqu'à la guerre qui a démarré dans les années 75. C'est-à-dire que vous êtes resté combien de temps au Liban avec Mary ? 10 ans. 10 ans là-bas. Et c'est là où sont nés vos enfants ? Le premier, oui, Laurent. Laurent est né à Beyrouth. Il a quitté le pays à 2 ans et demi, pays ravagé déjà par la guerre, où les choses se sont passées très mal. On y avait mis beaucoup de nous-mêmes. Et malheureusement, c'est ça qui est le pire, un pays auquel on s'attache. Moi, je serais resté au Liban. J'aurais pris la nationalité libanaise, qui malheureusement ne se donnait pas à l'époque. Jusqu'à ce qu'un soir, Laurent et mon épouse étant mis à l'abri, je gardais l'établissement. Et un obus tombe au pied de la fenêtre où je m'apprêtais à m'endormir. Et la nounou de Laurent vient en courant en disant « Sauvez-vous, sauvez-vous, c'est vous qu'on vise ». Je lui dis « Comment ? Tu ne vas pas me raconter que c'est moi qu'on vise. On est depuis 5 ans dans ce quartier, tout le monde nous connaît, ils viennent ici. Détrompez-vous, il y a le fils du coiffeur qui essaye un nouveau RPG, donc une arme qui tire des petits missiles. Et mais pourquoi ils me visent ? Eh bien, tout simplement, la folie des gens sont père, il a demandé à son père où est-ce que je vais essayer ma nouvelle arme. Il lui dit t'as qu'à tirer sur le français, ça lui apprendra à ne pas venir se faire coiffer chez moi. Il était coiffeur le gars et j'avais les cheveux un peu longs et donc je ne me faisais pas couper les cheveux. La bêtise humaine, jusqu'où ça peut aller dans des moments, comment dirais-je, de drame collectif. La bêtise humaine, vous la rencontrez à la fin de la retraite quand ce prédicateur est emmené entre deux gendarmes. Vous la retrouvez au Liban. Comment vous n'avez pas désespéré avec tout ça ? Parce qu'à vous voir et à vous entendre aujourd'hui, vous n'êtes pas désespéré de la vie humaine. Non, parce que j'ai eu là aussi des très grandes figures à mes côtés qui, à la fois, je pense à Marcel Carton qui avait un enfant handicapé dans notre établissement. Marcel Carton, il était détenu 3 ans par le Hezbollah. On était persuadé à un moment donné qu'on ne le reverrait plus. Eh bien, pendant toute cette captivité avec des gens... Il avait été kidnappé, Marcel Carton, c'est un journaliste. Non, il était à l'ambassade de France, directeur du protocole, avec Kaufmann. C'était la première, j'allais dire, le premier train de grands otages. Et il a tenu pendant 3 ans. Et quand il a été libéré... pour nous, c'était un soulagement. J'avais même essayé de participer à sa libération. Puis quand je me suis approché un petit peu trop près des ravisseurs, alors que j'avais d'anciens amis et d'anciens élèves, comme le cinéaste Maroun Bardadi, qui au téléphone me dit « Heureusement que tu n'es pas passé par l'aéroport de Beyrouth parce que tu avais un comité d'attente, un comité qui s'apprêtait à te faire ta fête. Donc, arrête de penser que le Liban que tu as connu vit toujours. Ce Liban est mort et nous ne te connaissons pas. » Imaginez ce que ça peut faire comme effet. Avec ma question. Alors, qu'est-ce qui fait que vous désespérez Mais néanmoins, pas voilà la figure Marcel Carton qui tient debout avec Jean-Paul Kaufmann et quelques autres et qui sort de sa détention et qui nous donne un message exceptionnel. Et ça, j'en trouve à tout moment. Récemment encore, la personne aveugle Maria Doyle, que j'invite cette année à l'inauguration de ma 35e crèche, elle est aveugle depuis l'âge de 9 ans. Elle rayonne la joie. Et son dernier ouvrage, On ne voit bien qu'avec le cœur, en dit très long. Il y a des personnes exceptionnelles autour de nous. Il faut savoir les distinguer. Alors ces personnes exceptionnelles, quand je suis le cours de l'émission, et puis encore une fois, merci de cette simplicité pour en parler, il y a un Premier ministre qui n'est pas de chauffeur, Maurice Schumann. Il y a une Madame Baron, une grande dame. Il y a ce père Aimé Duval, ce fou chantant. Il y a Marcel Carton. Il y en a d'autres qui vous ont marqué comme ça. Il y a beaucoup d'autres. Il y a des personnalités qui ont plus, je dirais, de charisme politique aujourd'hui. Quand je me suis engagé dans le domaine du handicap, Marie-Hélène Mathieu, qu'on a encore vue il y a quelques jours, 90 ans, dans sa maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres à Paris, qui a lancé le mouvement Foi et Lumière, qui est le partage de personnes handicapées, de leur famille et d'amis, et qui se rencontrent régulièrement, qui fraternisent, qui partagent des valeurs profondes, Marie-Hélène Mathieu. Mais le peut-être celui qui me marque le plus, celui qui je pense restera, c'est Jean Vanier. Ça, c'est des Jean prophètes. Jean Vanier, fondateur de l'Arche. Fondateur de l'Arche depuis 50 ans aussi. Là, c'est des maisons qui viennent de se fonder à Nancy. Il y a une communauté de l'Arche qui existe depuis 4 ans à Nancy, rue de qui a ouvert une première maison rue de Médreville, où se trouve d'ailleurs ma fille Marianne, qui aujourd'hui a 34 ans. Handicapée. Elle est née avec une trisomie 21, elle est handicapée, elle est heureuse de vivre, elle est équilibrée, elle donne plein de joie à tout le monde, à commencer par ses parents. Et elle vit dans une des maisons de l'Arche qui a ouvert une seconde rue Jeanne d'Arc, tout près du square Beaufranc, deuxième communauté, 7 personnes handicapées, des accompagnateurs, et une troisième maison s'apprête à ouvrir avenue du Général Leclerc au 178, belle grande maison qui va être réaménagée, troisième communauté, et donc l'Arche avance. Alors, d'où vient cet engagement, votre propre engagement auprès des personnes handicapées? Ça vient de cette histoire de Guénange? Oui, ça vient d'ailleurs, d'où ça vient? Relayé, parce que Guénange, c'était effectivement les plus pauvres de cette époque, mais relayé après, parce que le métier d'éducateur, quand je l'ai exercé, et que je me suis retrouvé du jour au lendemain de l'autre côté de la barrière avec la naissance d'une fille handicapée, ça c'est un fameux coup de poing à la fois, mais c'est aussi un sacré clin d'œil. Comment votre épouse Mary et vous, vous avez accueilli l'événement? De découvrir. J'en ai un souvenir comme si c'était aujourd'hui. Hein. C'était sur le coup de 13h, le 28 novembre 1984, à la maternité. Elle n'était pas consciente au moment de l'accouchement parce qu'il a fallu faire une petite anesthésie. Et donc, quand on a emmené Marianne en salle de soins, je fais remarquer à l'infirmière qu'il y a un problème. J'en avais côtoyé des enfants trisomiques. Elle me dit, mais non, vous faites des illusions. Et puis, saisie d'un doute, elle appelle le médecin, hein, une grande figure nancéenne, qui aujourd'hui, une crèche porte son nom, c'est le docteur Abensour, qui arrive, il dit, mais non, et il essaie de me rassurer. Je lui dis, non, je persiste. Et il appelle dans le couloir de la maternité, envoyez-moi un pédiatre et si possible le plus vieux. Bon, c'est un jeune interne qui est venu, mais suffisamment quand même au fait pour dire, ben oui, il y a un problème et il faut un karyotype. Cette fille est vraisemblable. Et donc il fallait l'annoncer. Un karyotype, c'est un examen particulier. Un examen qui va montrer qu'il y a une trisomie 21. Donc il a fallu l'annoncer à la maman. Et le docteur Abensour a été formidable. Il est venu avec moi dans la chambre de Mary, le bébé. Et il dit à Mary, Madame Schleret, cet enfant a beaucoup de chance. Mais vous aussi. Extraordinaire quand même, quand un truc comme ça vous tombe dessus. Pour annoncer que votre enfant était handicapé, il dit à Mary, à votre épouse, vous avez beaucoup. La fille a beaucoup de chance d'avoir des parents éducateurs. Si vous voulez, c'était ça le message. Oui. Mais sous-entendu, vous aussi, parce que vous verrez peut-être ce qu'elle vous apportera. C'est remarquable, non? Ah oui. Dans la vie. Et ça a été... Oui, alors ça a été un basculement. Ouais. Certainement, ça a été un basculement parce qu'après, Conseil national consultatif des personnes handicapées, où j'ai présidé pendant 7 ans, qui a élaboré la loi de 2005, etc. Et puis beaucoup de choses s'en sont suivies. On repart un peu au Liban avec une grande chanteuse. Thank you. Voilà, une heure avec Jean-Marie Schlairet. Si vous prenez l'émission en route, vous êtes bien le 18 décembre et nous nous enregistrons le 14 décembre. Mais dans les conditions du direct, rien ne sera changé de tout ce qui s'est partagé. Et c'est si fort déjà ce qui se partage avec beaucoup de simplicité. Jean-Marie Schlairet a parlé de son enfance, de la guerre, de ses parents, des frères des écoles chrétiennes, de son engagement auprès des frères, de toutes les fraternités qui l'ont marqué, des blessures aussi. Des blessures fortes après la guerre, parmi les frères, des violences. Et puis toute une histoire qui se bâtit et la rencontre de Mary, sa femme, au Liban, la naissance de Laurent, puis de Marianne, et lui, éducateur, qui s'est battu avec sa femme pour que les personnes handicapées puissent trouver leur place. Le voilà avec dans les bras à la maternité. Professeur de médecine qui va leur dire « Cet enfant, Marianne, a beaucoup de chance, mais vous aussi, vous en avez sans doute aussi. » Est-ce que ça s'est fait comme ça? Est-ce que Marianne a été une vraie chance dans votre histoire? Ah oui, c'est un rayon de soleil, Marianne, en permanence, malgré toutes les difficultés qu'on a pu, additionner. Et là aussi, des blessures. J'ai présidé pendant 6 ans une fédération de parents d'élèves, qui s'appelle toujours la PEP d'ailleurs, parents d'élèves de l'enseignement public au niveau national. Laurent, quelque part, en était fier, mais en a souffert aussi parce qu'on lui en a fait baver dans les écoles. Laurent, c'est le fils aîné. C'est le fils aîné. Et Marianne, le jour où, après la crèche où elle avait été intégrée parfaitement, etc., il a fallu lui trouver, parce que nous voulions un système scolaire intégré, trouver une école, je me suis dit, je ne vais pas faire pression sur l'école Charlemagne, qui est l'école de mon quartier, parce qu'il le ferait pour me faire plaisir. Mais aller dans une autre école, l'école Pasteur à Laxou, la directrice m'avait fait savoir que bon, ça pourrait se faire. Et le jour où on a été visiter cette école avec Marianne, je pensais que ça allait se faire. Et la directrice nous appelle, ben, je suis désolé, ça n'ira pas avec les enseignants. Ils ne souhaitent pas avoir de personnes handicapées, et encore moins la petite Schlairet. Donc ça fait mal, ça pour elle d'abord, et puis pour nous aussi. Mais immédiatement en compensation, on passe sur le boulevard Charlemagne, et on rencontre une ancienne maîtresse de Marianne. On lui raconte l'aventure, il dit « Mais enfin, vous êtes vraiment, je ne vous comprends pas. La place de cet enfant, c'est une enfant du quartier, sa place est dans son école, l'école de son quartier. » Donc dès demain, on voit ça avec la directrice, elle a été parfaitement intégrée à Charlemagne, puis à Marcel Leroy, etc. Elle nous a apporté beaucoup de bonheur. Elle vous continue. Avez eu des responsabilités, après ça, politiques, à la mairie. Vous avez été député, vous avez eu des responsabilités nationales. Des gouvernements vous ont confié une responsabilité, en particulier du côté des affaires sociales et du handicap. Tout ça, ça fait prendre la grosse tête? Pas du tout. Non, parce que d'abord, mes années d'Assemblée nationale, je me souviens d'une réflexion de Jean-Michel Belorger qui avait inventé le RMI. Lui, à l'époque, c'est une grande figure parmi les parlementaires, un ami de Madame Baron. Même si ce n'est pas la même chose, non. Le RMI, c'est le RSA d'aujourd'hui. Le revenu minimum d'insertion, c'est le RSA aujourd'hui. Et il me dit, oh, t'inquiète pas, l'Assemblée nationale, c'est un grand théâtre. C'est un grand théâtre où chacun y va de sa posture, mais il ne faut pas en rester là. Hein. Derrière, il faut vraiment être sur le terrain, être à l'écoute des gens, et c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Donc on ne prend pas la grosse tête, parce que de toute façon, vous êtes toujours remis en question à l'élection d'après. Donc, quelle est la responsabilité qui vous a le plus touché de toutes les responsabilités sociales et politiques que vous avez eues? Bon, c'est celle que j'ai encore. Hein. Elle me prend en permanence, elle est difficile. J'ai la responsabilité de l'association d'accueil et de réinsertion sociale. C'est tous les soirs 1150 personnes. C'est l'ARS, tout à fait. Avec des demandeurs d'asile, des réfugiés, mais aussi avec des gens à la rue, des gens en rupture, et pour lesquels il y a un travail permanent. Les équipes s'épuisent actuellement. Et dans la mesure où je suis leur président depuis 30 ans, je commence quand même à bien saisir non seulement la difficulté, mais en me disant une chose qui est terrifiante, le pire est à venir. Hein, jusqu'à présent, on a pu faire face. Demain, je ne suis pas certain. Avec des hivers comme celui qu'on va peut-être vivre et des gens, malgré toute la volonté des intervenants, etc., qui, faute de 36 choses, de moyens, non pas en personnel, mais simplement d'accueil de la commune, d'un voisin, etc., tout se ferme. Hein. Et c'est pas que pour les étrangers ou les personnes à la rue. Combien de fois j'ai vu, puisqu'au conseil départemental, j'avais également une responsabilité pendant 6 ans, quand au moment des campagnes, ce qu'on me reprochait parfois le plus, c'est d'avoir fait bâtir une HLM dans une rue. Tout le monde est pour l'abbé Pierre, hein, il est au sommet des sondages, s'il était en vie, il serait certainement élu président de la République, sauf que derrière, c'est l'abbé Pierre chez le voisin, c'est pas chez soi, c'est pas dans sa rue, c'est pas à côté de chez soi, parce que ça gêne, pour 36 raisons. On a des exemples en permanence, des contradictions de tout le monde, de notre société. On dit de belles choses, on ne se les applique pas à soi-même. Est-ce que vous rencontrez des gens, connus ou inconnus, hein, du grand public, qui disent et qui font ? Oui. Oui, oui. Ce sont des héros du quotidien. Je vois, parfois un aspect qu'ils peuvent avoir revendiquant, etc. Ces travailleurs sociaux sont magnifiques. Il faut les voir à l'œuvre. Hein. Et écartelés entre des politiques gouvernementales de quelque bord que ce soit, hein, disant à la fois accueil inconditionnel, sauf que dans la réalité des choses, ils sont obligés de dire non. Des demandes, on en a tous les jours. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait ? Et quand il n'y a aucune possibilité. C'est terrible. Et donc, ce sont des héros du quotidien, ça. C'est écrasant. Oui, c'est dur. Ça use. Ça use. Et puis, on a l'impression que ce ne sont que les gens qui sont sur le terrain au contact direct, mais il y a ceux qui ont la responsabilité. Je vois mes équipes de direction, la directrice générale, mais parfois me dit qu'elle n'endort pas. C'est écrasant, absolument. Peut-être que ça n'a rien à voir, et surtout, ne reprenez pas ma question dans ce sens-là, si vous pensez qu'elle n'est pas ajustée. Mais vous êtes connu aussi, vous, Jean-Marie Schleret, dans les journaux, Les Républicains et d'autres, par la fameuse crèche. Ah oui. Et cette crèche, un enfant qui ne trouve pas de la place, et des parents qui ne trouvent pas de la place, même pas dans la salle commune, et qui ne savent pas où crécher, et qui vont aller loger comme des sans-abri, là-bas, est-ce que... cette volonté d'avoir une crèche est maintenant en permanence chez vous, et puis qu'on découvre en particulier quand l'Est républicain représente la grandeur de cette crèche qui vient de tous les pays. Est-ce que c'est un lien ou est-ce que c'est un passant qui est venu autrement ? C'est plus qu'une crèche, hein. C'est le panorama des régions du monde, donc c'est un rassemblement de pays pauvres, de pays riches et qui, dans la réalité, sont la guerre, mais qui, dans notre inconscient collectif, en tout cas notre aspiration profonde, devrait pouvoir vivre en paix. Or, ces pays affluent vers chez nous actuellement et on les a effectivement pour un certain nombre à la rue et on est sans solution. Et il ne suffit pas d'ouvrir un soir, hein. Après, qu'est-ce que ça devient ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Comment ils vivent ? Quand récemment, on a dû, les directives gouvernementales étant ce qu'elles sont, supprimées, ce qu'on appelait le pécule, c'est-à-dire l'aide quotidienne de 5 euros par jour, il a fallu se retrousser les manches avec toutes les associations, chacun prenant sa part. Donc, ça fait mal, on le sait. Mais hélas, à certains moments, on ne dit pas qu'on finit par se blinder. Mais on se dit, il y a aussi tous ceux qu'on a en charge et pour lesquels il ne faut quand même pas baisser les bras. Et cela, au quotidien, ça demande du boulot aussi. Quelle est l'histoire de cette crèche ? L'histoire de la crèche, c'est la naissance de Marianne. Elle est née, je l'ai dit tout à l'heure, un 28 novembre, 3 semaines, un mois avant Noël. Et nous nous sommes dit, mon épouse et moi, comment rassembler la famille autour de ce que certains vont vivre comme une mauvaise nouvelle et que nous voulons vivre comme une bonne nouvelle. Et bonne nouvelle. Et on s'est dit, une crèche. Nous n'en faisions pas. J'avais des souvenirs des crèches de mon enfance. Puis j'avais surtout le souvenir traumatisant d'une magnifique crèche qui avait brûlé dans l'établissement où j'étais interne à Bétange-sur-Metz, à côté de Luxembourg. Ça, ça m'a marqué. Et donc, quelque part, il y a la crèche, il y a la dimension qui est là. Et donc, à la naissance de Marianne, première crèche. Aujourd'hui, c'est la 35e. C'est la crèche du monde entier, 105 pays, dont le Cameroun. Vraiment, c'est un lieu de partage, de rencontre et d'échange et de fraternité. C'est-à-dire que c'est une crèche de tous les pays, c'est 105 pays. Mmh. 105 pays avec un fil conducteur, hein, même quand l'inauguration se fait avec une personne aveugle, comme je disais tout à l'heure, Maria Doyle, aveugle depuis l'âge de 9 ans, eh bien elle vit cela alors qu'elle ne le voit pas. Le fil conducteur, c'est quoi? C'est la longue marche de l'humanité, depuis le fin fond de l'Orient, et moi je le fais même démarrer en Chine, à travers l'Iran, à travers l'Inde, la route de la soie, jusqu'en Palestine, en passant par le Liban et la Syrie ravagée, Bethléem, la grande halte de l'humanité, et on repart vers l'avenir du monde, y compris les pays occidentaux, mais aussi sud-américains, les pays du nord de l'Europe, la Russie, la Pologne, tous ces pays se retrouvent là. Parce qu'il y a un Arménien dans le studio, il y a aussi l'Arménie. Oui. Et une belle histoire arménienne que je peux peut-être en deux mots rappeler ou raconter. Un jour, des Arméniens viennent et, c'est Harar Atounian, et il me dit, il m'offre une croix Kashgar. Petite croix Kashgar. Il dit, oui, ça c'est de mon pays. Et il m'offre également une réplique en bois de l'église Saint-Tripsim d'Erevan. Et j'installe tout ça dans la crèche. Et il me dit, mais si on pouvait à Nancy, à l'occasion du génocide en 2015, avoir une grande croix Kashgar. J'étais encore un peu lié à la mairie, j'ai été adjoint au maire pendant 25 ans. Aidez-nous à monter une stèle arménienne de souvenir, une grande croix. On l'a fait sur le parvis de Notre-Dame de Lourdes. Tout le monde s'y est mis. Le père Douady a accepté. La mairie s'y est mise, etc. Elle est toujours là. Elle est respectée. Et un jour, le créateur de la croix Kashgar, le sculpteur, appelle mon ami. Mais tu m'as pas dit que tout ça est né dans une crèche à Nancy. Ce monsieur, il est toujours là. Il dit oui, il est toujours là. Et l'Arménie est dans sa crèche. Eh bien, je vais sculpter une croix Kashgar pour lui spécialement. Donc il y a une deuxième croix Kashgar sculptée spécialement aux dimensions de la crèche. Je reviens et avec cette même question insistante. On sent plein d'espérance et en même temps beaucoup de lucidité. Situation de la Syrie et du Liban, situation du monde aujourd'hui, situation de violence chez nous et ailleurs. On n'a pas parlé d'autres pays comme le Yémen ou d'autres. Bon, toutes ces situations-là, pourtant, vous ne baissez pas les bras devant les difficultés. Où vous puisez cette force de ne pas, baisser les bras? D'abord, il faut savoir regarder aussi ce qui s'est passé depuis des centaines d'années. Ce sont des pays qui ont vécu des horreurs. On parlait de l'Arménie. Enfin, franchement, s'il y a eu un peuple martyr avec plus d'un million de morts, c'est celui-là. Il s'est relevé. Et en Syrie, pareil, quand on regarde au fil des années, ils se sont relevés. Mais ça veut dire que quelque part, il faut continuer d'y croire, il faut continuer d'espérer. L'homme est capable du pire, mais il est aussi très souvent capable du meilleur. Il y a toujours un voisin, un voisin. Eh bien, même si nous ne sommes pas en direct, mais dans les conditions du direct, vous avez entendu, parfois, le CD peut sauter quelque peu, et ça fait partie de la vie avec ses aléas, des moments qui sont plus durs et des moments qui sont tellement heureux. C'est Laetitia, chanteuse martiniquaise, qui a été choisie par Jean-Marie Schleret, mon invité, pour chanter le voisin. Il y a toujours un voisin, oui, qui dresse un mur dans son jardin, mais il y a aussi un voisin qui vient me tendre la main. Cette espérance, juste avant cette troisième plage musicale, cette espérance, Jean-Marie Schleret l'a partagée avec nous. Si vous prenez l'émission en route, allez, reprenez-la dès le début, vous verrez, ça vaut le coup, et c'est sur le site de la radio. Mais Jean-Marie Schleret, c'est pas vous qui avez la parole maintenant, c'est Aymeric. Aymeric qui vous a écouté depuis le début, et il n'est pas le seul à écouter, mais j'ai promis que j'embêterai pas les autres pour leur donner la parole, même s'ils viennent d'Arménie ou du Liban. Mais c'est de pouvoir... Aymeric, tu réagis comment depuis le début? Ton coup de gueule, ton coup de cœur, tes questions, comme tu veux. À toi la parole. Déjà, bonjour. Et puis, merci à vous de partager votre histoire. Et quand on regarde tout ce que vous avez vécu, on se rend compte que finalement, le métier d'éducateur, vous étiez fait pour. Déjà avec la voisine du 5e à qui il fallait apporter à manger. Les hospices aussi, quand vous étiez plus jeune. Et puis ensuite, avec les frères aussi, cette fraternité qui revient souvent, c'est une notion qui moi, me tient à cœur, étant donné que j'ai trois frères, donc on est assez soudés et très proches les uns des autres. Et donc, cette fraternité que vous transmettez, vous êtes impliqué dans les HLM, comme vous êtes présenté au tout début de l'émission, vous êtes quelqu'un d'humaniste, vous êtes un peu... là, pour moi, une figure de l'humanisme, de ce que peut être l'être humain dans le meilleur. Vous l'avez très bien dit juste avant la troisième musique, que l'être humain est capable du pire, mais très souvent du meilleur. Vous avez surtout ressorti du meilleur, visiblement, avec des notions très humaines. Et puis, cette chance d'avoir une crèche comme ça, qui appelle au partage, à la fraternité, encore une fois, c'est vraiment l'aspect majeur de ce que je retiendrai de vous. Et cette crèche qui permet de dépasser un peu cette notion purement religieuse qu'on a de la crèche et de simplement inviter les gens à découvrir le monde à Nancy, de voyager, d'aller voir les autres. Et c'est encore une fois, liberté, égalité, fraternité, c'est les notions de la France. Et cette crèche, elle les représente vraiment bien, je trouve. Et puis voilà, merci à vous de ces initiatives. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce sera vraiment un coup de cœur et pas de coup de gueule. Et pas de questions. Pas de questions, non. Là, il n'y en a pas qui me viennent. Justement, alors moi, c'est une pour toi, Aymeric. À écouter Jean-Marie Schleret, ça te donne envie d'être éducateur? Ça donne envie d'être éducateur, effectivement, oui. C'est un parcours... déjà, c'est quelque chose qui non seulement fait du bien à celui qui éduque et à l'éduquer, entre guillemets, si je puisse dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un échange vraiment véritable d'homme à homme, d'être humain à être humain. Et on se retrouve face à des réalités qui ne sont pas toujours les nôtres dans ce métier d'éducateur et qui permettent d'avoir un nouveau point de vue, un nouveau regard sur la vie qu'on mène et sur la vie que mènent les autres et de se rendre compte que l'herbe n'est pas forcément toujours plus verte ailleurs et qu'il y a des gens qui vivent encore moins bien que nous. Pardon. À vous, Jean-Marie, il se l'est de réagir aux propos d'Aymeric. Oh ben, je crois qu'il a parfaitement d'abord saisi tout le fil conducteur de l'émission et puis traduit et même prolongé. Parce qu'aujourd'hui, c'est la génération du passé. Aujourd'hui, il faut qu'on s'aime et c'est cette jeunesse qui doit savoir qu'il y a des trésors en chacun. À nous de les découvrir, à nous de les valoriser. Et en définitive, si on a un rôle dans l'existence, c'est de permettre à l'autre d'aller au bout de ce qu'il est capable de faire. Et je vous assure que chacun en soi véritablement beaucoup de ressources dont il ignore parfois l'existence. Est-ce que vous pourriez, en fin d'émission, nous redire là où vous acceptez dans votre vie des compromis et là où vous n'acceptez pas, ce qui est sans compromis, vous ne pouvez pas, vous ne pourriez pas? Dans le premier titre que j'avais donné à ma crèche de la 35e de cette année, j'avais mis « Résister au rejet et bannir les exclusions ». Tout ce qui exclut, qui dit « tu n'existes pas, je ne veux pas te voir », ça, je ne peux pas l'accepter. Donc après, ça ne veut pas dire que ce soit facile de vivre avec, etc. Mais bannir l'exclusion sous toutes ses formes. Et ça, c'est un programme non seulement individuel pour chacun, mais c'est un programme de société. Et qu'est-ce qui vous soutient dans ce programme-là? Quelles sont les personnes qui vous soutiennent le plus? Bon, j'ai ma fille et ma femme déjà, et mon fils accessoirement aussi, même s'il est plus loin. Je crois que c'est des valeurs fortes, des appuis, des alliés dans la vie, mais aussi quelques grandes figures. J'en ai nommé une tout à l'heure, c'est Jean Vanier. Jean Vanier, c'est le prophète des temps modernes. Il ne tardera sans doute pas à quitter cette terre. Il a plus de 90 ans. Il a énormément marqué. La dernière conférence qu'il avait donnée à Nancy en 2015, ce titre, c'était « Oser la fragilité ». Savoir se présenter à l'autre comme on est, sans vouloir la ramener sur des faux-semblants, etc. Ses valeurs. Et respecter, je dirais, la faiblesse de l'autre. Et de se dire que, quel qu'il soit, qui qu'il soit, avec ses limites, etc., il a énormément de choses à m'apporter à moi, d'abord, si je sais le regarder et le découvrir. Et deuxièmement, si on sait le mettre en valeur, il a énormément de choses à apporter à tout le monde, c'est-à-dire à notre monde. Est-ce qu'il y a, pour terminer, un personnage de l'histoire un personnage de l'histoire du monde qui vous marque plus que d'autres? Je reviendrai à Robert Schumann. Robert Schumann mérite véritablement aujourd'hui d'être... Je rappelle à nos auditeurs qui prennent l'émission en route que vous en avez parlé tout à l'heure. C'est ce fameux Premier ministre de l'après-guerre. C'est celui de la réconciliation franco-allemande. Celui qui prenait le bus pour retourner chez lui à Chazelles quand il arrivait à la gare de Metz. C'est le père de l'Europe, avec quelques autres, mais lui en particulier, c'est le père de l'Europe qui, par sa simplicité, mais aussi par sa fermeté dans un certain nombre de positions, refusant l'exclusion, a tracé une voie. Et il faut continuer à la parcourir, cette voie. Il paraît qu'on entend dire que ça va être reconnu comme un saint. Alors, je souhaite vraiment qu'on le reconnaisse comme un saint. Ça donnera encore plus, je dirais, de poids à tout son exemple. Merci beaucoup Jean-Marie Schlairet d'avoir passé cette heure, ça passe vite, hein, passé cette heure avec nous. Merci à ceux qui sont dans le studio, merci à toi Aymeric, merci Yves d'avoir réalisé cette émission. Et puis sachez que le mois prochain, c'est Hervé Ferron qui sera mon invité, Hervé Ferron, député, maire de Tomblaine, qu'on va retrouver dans ce studio. Mais ça sera l'an prochain, l'invité de janvier 2019. Merci à vous tous et joyeux Noël.